avance, tout le monde danse tout autour du monde. On avance, on y pense et on danse tout autour du monde. Tout le monde danse et on danse, on avance tout autour du monde. Oh. Say.